Le mot et la chose. Un poème inattendu sous la plume de l'abbé de Lattaignan, né en 1697 et mort en 1779, chanoine à Reims. Madame, quel est votre mot et sur la chose ? On vous a dit souvent le mot, on vous a fait souvent la chose. Ainsi, de la chose et du mot, vous pouvez dire quelque chose, et je gagerai que le mot vous plaît beaucoup moins que la chose. Pour moi, voici quel est mon mot, et sur le mot et sur la chose. J'avouerai que j'aime le mot, j'avouerai que j'aime la chose. Mais c'est la chose avec le mot, mais c'est le mot avec la chose. Autrement, la chose et le mot, à mes yeux, seraient peu de choses. Je crois même, en faveur du mot, pouvoir ajouter quelque chose, une chose qui donne au mot tout l'avantage de la chose. C'est qu'on peut dire encore le mot alors qu'on ne fait plus la chose. Et pour peu que vaille le mot, mon Dieu, c'est toujours quelque chose. De là, je conclus que le mot doit être mis avant la chose, qu'il ne faut ajouter au mot qu'autant que l'on peut quelque chose, et pour quelques jours où le mot viendra seul, hélas, sans la chose, il faut se réserver le mot pour se consoler de la chose. Pour moi, je crois qu'avec le mot, vous voyez toujours autre chose. Vous dites si gaiement le mot, vous méritez si bien la chose, que pour vous, la chose et le mot doivent être la même chose. Et vous n'avez pas dit le mot quand on est déjà prête à la chose. Mais quand je dis que le mot doit être mis avant la chose, vous devez me croire à ce mot bien connaisseur en la chose. Eh bien, voici mon dernier mot, et sur le mot et sur la chose. Madame, passez-moi le mot, et je vous passerai la chose.